Quelques mois plus tard, fin 96, malgré le procès, une partie de la ville reste toujours persuadée que derrière cette affaire se cache une autre vérité, celle d'un complot organisé par des fils de notables. Pour beaucoup, le dénouement officiel de cette affaire, la piste d'un groupe de skinheads, non, tout cela semble trop simple. Comme si, au bout du compte, à Carpentras, il ne pouvait y avoir de vérité acceptable pour un tel acte. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la profanation du cimetière juif de Carpentras avec nos invités, le grand rabbin Raï Krief de la synagogue Vincennes-Saint-Mandé. Bonjour. Bonjour. Et Mathieu Aron, journaliste. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs. Vous avez créé et dirigé la première direction des enquêtes et de l'investigation de Radio France, ici même, entre 2014 et 2016. Et vous avez écrit un article sur les juifs en France. Alors d'abord, je rappelle qu'il n'y a pas de question juive. La judaïté ne pose pas question. En revanche, il y a une question antisémite et celle-là est grave. Elle est sévère, c'est celle dont nous allons parler. Je voudrais quand même vous lire, avant de vous donner la parole, ces quelques phrases de Jean-Paul Sartre. Il écrivait « L'antisémite est un homme qui a peur, non des juifs certes, mais de lui-même, de sa conscience, de sa liberté, de ses instincts, de ses responsabilités, de la solitude, du changement, de la société et du monde, de tout. Sauf des juifs, c'est l'homme qui veut être roc impitoyable, torrent furieux, foudre dévastatrice, c'est tout, sauf un homme. » Voilà, aujourd'hui en 2019, avec cette recrudescence de l'antisémitisme, effectivement, ça nous renvoie aussi à ce qui s'est passé donc à Carpentras, l'histoire que nous vous avons racontée et rappelée. Raï Krief, qu'avez-vous ressenti en ce 10 mai 1990, quand vous avez appris la nouvelle de Carpentras? Ben, un petit peu comme tout le monde, on est saisi, on est tétanisé, on est dans la sidération, comme toute forme d'attentat, même si elle est pas, il n'est pas commis à l'égard d'êtres vivants. J'étais un peu plus, enfin, J'étais peut-être un peu plus près, et géographiquement et émotionnellement, puisque étant au rabbinat de grand rabbinat de Marseille, Jossi Truc venait de sortir de la ville, et donc tout le staff était sur place. On était à cette grande cérémonie, on va appeler ça, avec à la fois les hommes politiques et tout le rabbinat qui s'était déplacé. Je vais pas vous l'apprendre, tout était retransmis et dans toutes les ondes et toutes les télés. Donc on était au cœur de l'histoire, et comble peut-être des faits et des intersections des faits, c'est que la famille Germont était, une partie de la famille Germont était à Marseille, et nous connaissions la famille Germont. Donc c'était assez étonnant, c'était d'autant plus, ça nous remuait d'autant plus. Donc on était un petit peu en première ligne. Voilà pourquoi je parlais à la fois sur le plan géographique et émotionnel. Absolument. Alors, on va rester quelques minutes en 1990, et ensuite on parlera de l'antisémitisme aujourd'hui, hein, en 2019. Cette affaire, on l'a vu, s'inscrit dans un contexte bien particulier, c'est celui de la jonction des années 80 et 90, une période où le Front National tient un discours particulièrement clivant, et où il est écouté, contrairement à ce qui se passait avant. Et c'est à ce moment précis que le gouvernement tente de faire voter la loi Guesso, qui réprime le racisme et l'antisémitisme. Alors beaucoup ont dit dans la presse qu'il s'agissait à ce moment-là d'un texte de loi cache-misère, seul artifice qu'on ait trouvé pour tenter de faire taire Jean-Marie Le Pen. Est-ce votre avis? Je m'adresse encore à vous, Raïk Rieff. De faire taire, à l'époque, la tête numéro un de ce parti, non. En tout cas, un cache-misère, que c'était pas suffisant. Oui, non, c'est-à-dire, en réalité, c'est un personnage qui aime croiser le fer. Et chaque fois qu'on s'attaque à lui, il y répond volontiers. C'est une façon de se mettre en lumière, c'est une façon de rentrer dans la diatribe avec qui que ce soit. Il n'y a pas une meilleure occasion, qu'elle soit juste ou fausse, qui lui soit donnée pour qu'il puisse rentrer dans l'arène, le monde politique comme il le souhaite. Donc en réalité, non, tout ce qu'on mettait au tout le bois que l'on pouvait mettre au feu se consumait très vite. Donc il n'y avait pas, en termes de quantité ou de mesure, rien ne peut y faire face à un tel personnage dont on connaît la faconde et les expressions. Donc Bon, mais est-ce que, Mathieu Aron, est-ce que la loi Guesso, enfin la législation en vigueur est considérée comme, est-ce qu'on peut la considérer comme insuffisante au regard de cette recrudescence de l'antisémitisme ou de l'antisémitisme qui continue aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'arsenal juridique est suffisant? Lutter contre l'antisémitisme ou lutter contre le racisme, c'est toujours d'une complexité inouïe. Alors, il y a cette loi Guesso, bien évidemment. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a d'autres questions qui se posent. En 30 ans, il y a quelque chose de fondamentalement différent qui est arrivé, c'est Internet. Et Internet a permis, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement, une libération de la parole. Donc une libéralisation, une libération effectivement de l'injure antisémite aussi. Et ça, c'est fondamentalement différent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités politiques, c'est ce qu'a annoncé le président de la République il y a quelques semaines, réfléchissent à une nouvelle loi sur l'Internet. Donc c'est effectivement ça aujourd'hui qui est l'enjeu, une loi qui devrait être présentée au Parlement en mai prochain, qui prévoit en quelques mots, de demander aux hébergeurs et aux serveurs de supprimer beaucoup plus vite les contenus racistes ou antisémites, en s'inspirant d'ailleurs d'un exemple qui existe en Allemagne, où cette loi fonctionne, et fonctionne plutôt bien. Elle fonctionne plutôt bien parce que si les hébergeurs et serveurs ne suppriment pas dans un délai très court, qui peut aller de quelques heures à 24 heures, les contenus, ils risquent des amendes très importantes qui peuvent s'élever jusqu'à 50 millions d'euros. Donc il y a un côté dissuasif très fort. Voilà, c'est un des éléments qu'on va mettre à nouveau en place. Mais on sait bien que il n'y a pas que, c'est pas la loi elle seule, c'est pas la justice toute seule, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie qui arriveront forcément à supprimer entre guillemets des comportements antisémites. C'est beaucoup plus global, beaucoup plus profond. C'est un vrai travail d'éducation. C'est un vrai travail d'éducation, et qui doit être mené d'abord et avant tout dans les écoles. Et en terme. Voilà. À long terme. On va écouter une archive ensemble, et vous allez comprendre pourquoi on l'écoute. Dans les jours qui suivent la découverte de la profanation, l'émotion en France est très vive, on l'a dit. La manifestation du 14 mai rassemble plus de 200 000 personnes, avec la participation du président de la République. On l'a dit aussi, mais c'est important. Et on va écouter cette déclaration d'Elie Wiesel, présent au cortège. J'arrive pas à comprendre que les êtres humains puissent commettre des actes si barbares. Tuer les morts, une deuxième fois, quand même, mutiler les morts, ça prouve quoi? Qu'ils sont forts, qu'ils sont haineux, on le sait. Mais que veulent-ils prouver par là? Je n'arrive pas à le comprendre. Sauf que je pense que la société en France devrait maintenant faire un examen de conscience. Et c'est urgent. Or, il faudrait créer un climat de sincérité tel que ces gens et ces groupes soient réduits au silence par la honte. Simplement que la société le rejette, le récuse, le refuse, le refoule. Par quels moyens? Bien sûr, par des moyens légaux. Et surtout par l'éducation, les médias, les intellectuels. Il faut qu'il y ait un tel sursaut de colère et d'écœurement que tous ces racistes et tous ces malades moraux, il y a des malades moraux de même qu'il y a des malades mentaux, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas de place dans la société française. Mathieu Aron, c'est vous qui avez réalisé cette interview d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ce qui me frappe beaucoup en réécoutant ce qui s'est passé en 1990, pour avoir été journaliste sur France Inter à cette époque, et avoir, comme on dit, couvert ces manifestations, c'est le choc profond qu'il y a eu quand même dans l'opinion. C'est-à-dire que les Français sont sortis dans la rue pour dire leur émotion. Et ils sont sortis par centaines de milliers ce jour-là. On y vient justement. Et aujourd'hui, pour avoir refait pour un autre média, l'Obs, une enquête très récemment, il y a quelques semaines, sur comment la communauté juive française pouvait ressentir cette montée à nouvelle de l'antisémitisme, ce qu'il y a de frappant, c'est de voir qu'il y a une banalisation extrême quand même de cet antisémitisme. Et c'est ce qu'il y a vraiment de plus troublant et de plus inquiétant aujourd'hui, je crois. La banalisation, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui la mobilisation, en fonction de ce qu'on vient de dire, ça qui est étonnant, la mobilisation n'est pas aussi forte par rapport à ce qui s'est passé. Je rappellerai quelques faits qui viennent de se passer là. Et évidemment, la liste n'est pas exhaustive, elle est déjà impressionnante quand on en donne 4 ou 5. La mobilisation me paraît beaucoup moins forte aujourd'hui en France, Ryan Krieff, qu'en 90, et pourtant il y aurait des raisons de se mobiliser. C'est troublant ça aussi. C'est troublant, mais il faut se mettre aussi à la place de la société. C'est moi qui ne vais pas me faire l'avocat, mais pourquoi pas. Imaginez le caractère itératif justement des actes antisémites. Combien de fois allons-nous faire des manifestations? Combien de fois allons-nous sortir? On peut aussi se poser la question de savoir à quoi sert une manifestation. Oui. À quoi ça sert d'aller allumer des petites bougies, déposer des fleurs, parce qu'en réalité, l'humain s'aperçoit qu'il est complètement impuissant, qu'il ne peut plus rien faire et que tout s'est passé malgré lui, et que dans notre impuissance, on doit bien caractériser une forme de présence, ou sinon, je n'existe même pas par quoi que ce soit. Donc, on est dans un cérémonial. On n'est peut-être pas au cœur du problème avec ce cérémonial, mais je ne peux pas non plus accuser la société française que de ne pas sortir à chaque fois, à la limite. Je pourrais dire, elle en a marre. Il y a tellement d'attentats, et puis on peut les lister cette fois-ci, parce que entre Elie Wiesel qui parle, ça semble un peu vintage ce qu'il dit, avec ce côté moralisateur, mais tellement intéressant. Mais regardez comment à la fois ça a décuplé dans l'horreur, dans la force, dans l'intensité, dans le nombre. Donc qu'est-ce qu'on peut demander aux gens? Il faut vivre dans la rue. Ouais. C'est pas possible. Bien sûr. C'est pas possible et je comprends parfaitement ce que vous dites. Après, on peut quand même être frappé par le fait que entre la profanation du cimetière de Carpentras en 1990, qui avait suscité cette émotion très forte en France. Alors, on peut être ému sans forcément aller manifester, mais cette émotion en France. Et pour reprendre par exemple ce qui s'est passé au moment de l'affaire Mera, quand Mera va assassiner à bout portant des enfants dans une école juive à Toulouse, il y a quelques milliers de personnes qui défilent à Toulouse et puis pratiquement rien d'autre en France. Et incontestablement, il n'y a pas eu cette émotion à ce moment-là. Il n'y a pas eu cette prise de conscience même, je dirais. Oui, bien entendu, je vous entends, on n'est pas obligé d'aller manifester à chaque fois et puis à quoi bon? On peut se dire tout à fait naturellement. Il n'empêche que l'indignation, l'émotion, le fait de dire plus jamais ça, je crois que là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé depuis 1990, c'est-à-dire qu'il y a des digues qui ont sauté. C'est-à-dire qu'on dit, et c'est pas bien de le dire comme ça, qu'une parole s'est libérée, pas du tout, elle s'est pas libérée cette parole, c'est une parole haineuse qui aujourd'hui apparaît de plus en plus. Et ça, je crois que c'est assez, oui, je le redis, je trouve que c'est assez troublant. Oui. Dans son livre « Réflexion sur la question antisémite », Delphine Horviller explique qu'il y a une distinction fondamentale entre l'antisémitisme et les autres racismes, à travers une phrase très forte aussi, les racistes. Ces derniers, écrit-elle, expriment généralement une haine de l'autre pour ce qu'il n'a pas, la même couleur de peau, les mêmes repères culturels ou la même langue. Le juif, au contraire, est souvent haï pour ce qu'il a. On ne l'accuse pas d'avoir moins que soi, mais au contraire de posséder ce qui devrait nous revenir et qu'il a sans doute usurpé. Il y a là la dénonciation, Raïf-Krief, de tous les fantasmes qui sont le socle de l'antisémitisme. On doit obligatoirement surdoser l'appréciation que l'on a de quelqu'un que l'on ne connaît pas. De toute façon, quand vous avez commencé par la phrase de Jean-Paul Sartre, cette notion de peur, de l'ignorance de l'autre, fait qu'on va quelque part le caricaturer. Et dans notre caricature, grossière obligatoirement et réductrice, on va obligatoirement attenter à sa véritable image. Il est impossible d'avoir en réalité l'image de quelqu'un, ou l'image d'une société, ou l'image d'un concept. On peut tangenter, on peut s'en approcher. Et donc, lorsqu'on est dans cette peur-panique, effectivement, notre caricature vient à amputer ou à surdoser, parce que c'est le problème. Ou je rajoute, ou je retire. Donc, je peux effectivement condamner le juif. En réalité, il a été condamné par pratiquement tout. Donc, ou de ce qu'il a et de ce qu'il n'avait pas, ou de ce qu'il n'avait pas, positif, négatif. Donc, ça ne va pas solutionner l'analyse, comme le disait Mathieu confrère, oui, Mathieu Aron, comme il disait, ça ne va pas solutionner l'analyse même du fait antisémite. Oui, mais ça renvoie quand même effectivement à ce que disait Mathieu, la lutte contre l'antisémitisme passe par un travail d'éducation qui porte pas forcément ses fruits tout de suite à long terme, parce que l'ignorance est un des éléments de l'antisémitisme. Alors il y a un antisémitisme politique, culturel, djihadiste, pourquoi pas, et puis il y a celui qui est généré par l'ignorance, et celui-là il est grave. Pardon de vous interrompre, mais en parlant d'ignorance, il y a l'ignorance volontaire. Et à l'ignorance volontaire aussi. Mais enfin, il y a aussi l'ignorance, mère de tous les vices quand même. Alors, il y a des... C'est toujours très, très compliqué comme notion, mais il y a des distinguos qu'on peut faire quand même, même si on est obligé de simplifier. C'est vrai que quand on parle de racisme aujourd'hui en France, on a l'habitude de dire que c'est une personne qui considère que des gens appartenant à d'autres groupes sont inférieurs. C'est des gens qu'on l'on voit péjorativement de manière, voilà, ils sont inférieurs parce qu'ils, on connaît tous les poncifs, hein, ils ne travaillent pas, etc., etc. Dans l'antisémitisme, il y a quelque chose d'assez différent, en tout cas aujourd'hui, c'est que on ne considère pas l'autre comme un dominé, mais comme un dominant. En réalité, on prête aux juifs le fait que il essaye de vous dominer. Et ça, c'est la différence fondamentale. Et à partir du moment où il essaye de vous dominer, forcément, il a du pouvoir caché, forcément, il a de l'argent, forcément, il appartient à des groupes d'influence. Il est dangereux, s'il a le pouvoir caché. Il est dangereux. Voilà. Et il y a quelque chose qui va de pair, c'est que la lutte, entre guillemets, contre les juifs, peut prendre l'aspect d'un mouvement d'émancipation. Parce qu'on lutte contre des gens qui souterrainement vont essayer de dominer le monde, ou en tout cas dominer leurs semblables, en étant les plus riches. Et donc, forcément, cet antisémitisme peut percuter avec d'autres discours politiques, peut percuter avec des luttes sociales. Et donc, il y a une confusion qui s'installe, ce qui explique que, au travers d'un certain nombre de rassemblements, on a pu voir en marge, des rassemblements des gilets jaunes, des pancartes, des écriteaux, ce qui explique aussi que on traite le président de la République de youpin, qu'on l'accuse d'être en lien avec la banque Rothschild, etc. Ouais. Donc voilà, c'est une forme d'antisémitisme qu'on a aujourd'hui et qui est assez prégnante, parce que je pense que cette forme, elle se diffuse dans plusieurs strates de la population, et qu'on n'est plus face à des extrémistes qui tiennent des discours haineux, qui sont diffusés comme ils étaient diffusés il y a 40 ou 50 ans chez certains bouquinistes Ketsen, qu'on est par rapport à ce type de langage qui aujourd'hui se diffuse de manière massive via Internet. Voilà, et on en revient aussi à l'affaire du jeune Ilan Halimi, torturé. Au départ, le gang des barbares, son argument était de dire « on va séquestrer un juif parce qu'il a de l'argent ». Voilà, l'antisémitisme, comment ça, évidemment. Une demande de rançon, effectivement. C'est la phrase est typiquement antisémite, on est d'accord. Mais pour rebondir sur ce que disait Mathieu Aron, tout ça aussi fonction d'un milieu socio-culturel. Dans le spectre sociétal, on a toute forme de pensée. On peut prendre effectivement un axe médian autour duquel tournerait cette théorie un peu fumeuse, effectivement. Mais tout le monde ne tient pas à ce discours. Le problème de l'antisémitisme, c'est qu'il est nourri par différents discours. Et à la limite, les différentes strates de la société ne se rencontrent pas sur les mêmes plateformes de réflexion et de discussion, c'est-à-dire en termes de discours. Donc la construction de cette tour de Babel de la folie de l'antisémitisme est stratifiée, je dirais, à la des étages avec des gens qui ne se connaissent pas pour autant, ne communiquent pas pour autant. Donc ça complexifie, si vous voulez, à la fois en termes d'analyse, à la fois, j'aime pas le terme de combat, mais on va dire de réplique à pouvoir donner, parce que d'abord la société est complexe par nature. Il n'y a pas une forme de pensée globale à laquelle tout le monde sacrifie. Donc, si vous voulez, j'adhère à ce que vous avez dit, mais je le prends comme étant une bande passante dans une fréquence donnée. Mathieu, vous répondez, et après on passera à une autre question. Pour rebondir sur ce que vous soulignez, je suis totalement d'accord avec vous. Il m'apparaît aujourd'hui que s'il y a un point de jonction entre ces différents antisémitismes, entre cet antisémitisme qui peuvent avoir des origines culturelles radicalement différentes, on peut le trouver, me semble-t-il, dans une forme d'antisionisme qui peut réunir... Aujourd'hui, je parle bien aujourd'hui, qui peut réunir effectivement les différents groupes sociaux auxquels vous faisiez référence. D'ailleurs, il y a Jean-Yves Camus qui récemment, lors d'une audition devant l'Assemblée nationale, a expliqué que on pouvait trouver une convergence entre certains mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche dans l'antisionisme. Mais globalement, je crois que s'il y a un point de jonction, il est probablement là aujourd'hui. La frontière est poreuse entre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est important parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec l'épisode de l'insulte jetée à la figure d'Alain Finkielkraut, où le type dit « sale sioniste ». Non, il lui dit « retourne dans ton pays ». Oui, « retourne dans ton pays ». Il n'est pas sale juif. Lui qui est un vrai français de souche, absolument. Il dit « retourne dans ton pays ». Porosité sémantique et porosité tout court entre les termes d'antisémitisme et d'antisionisme. D'abord l'amalgame, déjà par, par gain de temps et par retrécissement de l'esprit. L'amalgame était d'une grande simplicité et ça permet de frapper parce que quand vous voulez agresser quelqu'un, il faut obligatoirement lui envoyer quelque chose. Donc ici, on est dans le verbal. Donc il faut faire un magma de quelque chose. Donc oui, c'est si on peut frapper par ricochet ou pas, et la nation, et un peuple, et une théorie, pourquoi pas. Est-ce que Mathieu Aron, du côté de l'extrême gauche, par exemple, on a un comportement donc anti-sioniste, tellement anti-sioniste, qui peut dériver sur l'antisémitisme, sur cette frontière pour eux, justement? Alors, c'est assez complexe, parce que on va parler d'une gauche radicale. Oui. Prenons cette expression-là. Il est évident que... Comment dire ça? La figure du héros, et en particulier du héros tel qu'ont pu l'imaginer les communistes à certaines époques, du héros prolétaire, aujourd'hui, cette figure, elle est morte. Elle est morte parce que la classe ouvrière n'est plus, et parce qu'une partie des populations qui existaient à ces endroits-là se sont détournées, on le sait, vers le Rassemblement National. Aujourd'hui, une partie de la gauche radicale soutient le combat de nouveaux opprimés qui sont incontestablement des populations qui vivent en banlieue, qui sont d'origine immigrée et qui souffrent de discrimination. Dans cette population-là, on peut trouver par un héritage culturel une forme d'antisémitisme qui s'explique parce que on a une forme d'antisémitisme, on va dire, arabo-musulman. Et là, l'antisionisme est très fort. Donc, en soutien à ces populations qui sont incontestablement l'objet de discrimination en France, on peut trouver une partie de la gauche radicale qui n'est pas antisémite. Oui, mais justement, est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est un masque? Qui n'est pas antisémite, mais qui peut comprendre l'expression d'un antisémitisme, qui oui. tolère l'expression d'un antisémitisme, ce qui, je crois, est une pente très dangereuse. En 2018, je rappelle, en 2018, aujourd'hui, voilà, l'an dernier, c'est aujourd'hui, les faits antisémites ont augmenté de 74% alors que les juifs ne représentent que 0,7% de la population dans ce pays. Ça, c'est une statistique très dure et dans l'actualité de ces dernières semaines, là on est dans la réalité concrète, palpable, les derniers actes antisémites dont la presse a parlé, les injures à l'encontre de Anna Finkielkraut, les croix gammées sur les tombes du cimetière juif de Herrichheim en Alsace, les symboles nazis tagués sur les portraits de Simone Veil, des manifestants faisant le signe de la quenelle, ce geste de Dieudonné de ses supporters, là. Ou encore le mot Juden, ou Juden, peint sur la vitrine d'un restaurant. Alors voilà, ce sont juste des faits, et je voudrais terminer cette conversation juste par l'exposé des faits, parce que les faits ne mentent pas, les faits disent beaucoup de choses. Merci infiniment Mathieu Aron, merci Raï Krief d'avoir participé à ce débat dans Affaires Sensibles. Au revoir messieurs. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la profanation du cimetière juif de Carpentras, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.